Audiomatique. Thank you. Les deux artistes canadiens Chris Peterson et Craig Huxtable se sont unis pour produire de la musique sous le nom de Ohm, qui s'appelle OHM, donc projet duquel nous entendions la pièce When Robots Fuck, qui ouvrait la transmission 146 d'Audiomatique. C'est sur l'album homonyme de Ohm que se trouve cette pièce. Et rappelons que Craig Huxtable est l'artiste derrière le défunt projet Landscape Body Machine, alors que Chris Peterson a travaillé notamment avec Frontline Assembly et Delirium, en plus de mener ses propres projets musicaux que sont Decree et Will. Audiomatique met la musique électronique de l'avant, et nous, les électronistes, sommes seulement ses faire-valoir. Notre rôle est souvent effacé, quoique pertinent, surtout lorsque nous identifions verbalement les œuvres présentées lors de chacune des transmissions. Alors, soyons effacés et pertinents en vous disant simplement que la suite sera assurée par Funky Porcini et la pièce « This Ain't No Way to Live ». Pour clore cette séquence musicale audiomatique, il s'agissait du duo anglais de Divided Circle avec la chanson All Your Plans de leur premier album homonyme, paru en 2011. Tout juste avant, nous avions droit au groupe australien Hate Rock qui orthographie leur nom H-T-R-K. Nous écoutions la chanson Poison de leur deuxième album Work, Work, Work. Et pour débuter, l'artiste anglais James Brattle, mieux connu sous son pseudonyme Funky Porcini, nous interprétait sa composition This Ain't No Way to Live, extraite de son album On. C'est le projet Not Breathing qui se charge de lancer la prochaine séquence musicale à Audiomatic. Thank you. Thank you. Nous venons tout juste d'entendre Muslim Gaz et la pièce Abdul's Halal de son album Uzbekistani Bizarre and Souk, paru en 1996. Rappelons que Bryn Jones, l'artiste derrière le projet Muslim Gaz, est décédé en 1999. Avant Muslim Gaz, c'était le duo Otaker et sa pièce PNTIL, tirée de l'album Draft 7.30. Et en début de séquence, nous entendions la pièce de Ventilator du projet Not Breathing, pièce qui se trouve sur l'album Sangre Azul, paru en 1997. Audiomatique continue sa programmation musicale avec le groupe Mew. Let's go. C'est le groupe danois Who Made Who qui terminait ce bloc musical audiomatique avec la chanson Skinny Dipping de leur album Brighter. Et précédemment à Who Made Who, il s'agissait de leur compatriote du groupe Mew qui nous offrait la pièce Beach, remixée par Trent Mueller. Nous terminerons la transmission 146 d'Audiomatic sur la musique du groupe britannique Throbbing Gristle, celui-là même qui a donné le nom en 1976 au courant musical qualifié d'industriel. D'ailleurs, les électronistes vous invitent à visionner le documentaire Industrial Soundtrack for Urban Decay, disponible gratuitement sur Arte pour encore une vingtaine de jours et dont le lien est accessible sur la page Facebook d'Audiomatic au facebook.com/audiomatic-cfou. Le documentaire retrace les premières années suivant la naissance en Angleterre du courant de la musique industrielle et de ceux qui en furent les artisans, notamment Throbbing Gristle, de qui nous allons justement entendre la pièce Walls of Sounds de l'album DOA, The Third and Final Report, paru en 1978. Les électronistes vous convient au rendez-vous hebdomadaire qu'est Audiomatic mercredi prochain dès 17h pour la transmission 147. Nous rendons également disponible à l'écoute chacune des émissions d'Audiomatic sur nos différentes plateformes, comme entre autres mixcloud.com/audiomatic et bien sûr facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Throbbing Gristle et la pièce Walls of Sound. Bonne semaine!